un petit peu d'Auvergne. Oula. Ah merde. L'Auvergne est un petit peu bourré. À toi, Auvergne. T'as vu, il y avait une petite touche d'Auvergne quand même. Le stop. Allez danser. Trop de notes, tue la mélodie.